Portrait d'assaut sur Fadjet. Portrait d'assaut aujourd'hui et on reçoit l'Université de Culture Permanente, donc l'UCP Nancy. C'est une association créée en 1974 qui a pour vocation de donner la possibilité d'apprendre, si je puis dire. Et pour nous en parler, j'accueille aujourd'hui Monsieur Dominique Perrin, président de l'UCP. Bonjour Monsieur Perrin. Bonjour. Ainsi que Monsieur Claude Lefloïc, vice-président de l'UCP. Bonjour Monsieur Lefloïc. Bonjour. Merci messieurs d'être présents pour parler de votre association à l'antenne. Tout d'abord, pourriez-vous tout simplement présenter les activités proposées par l'UCP ? L'UCP propose essentiellement deux types d'activités. D'une part, des cycles de conférences à raison de 4 par semaine sur des sujets différents, littérature, histoire, nature, vie et santé, grands enjeux contemporains et connaissance des arts. Ça représente 96 conférences au total sur Nancy, en sachant que par ailleurs nous avons 15 antennes réparties sur l'ensemble de la Lorraine. Ça c'est la première activité. Il y en a une seconde qui sont des séries de cours qui sont proposées au siège même de l'association, là aussi dans des registres très variés, avec quand même certaines dominantes, les langues étrangères, l'histoire de l'art représente une part importante, mais également histoire, littérature. J'ajouterais à ce que disait le président, Dominique, que nous avons aussi des cours scientifiques, notamment dans le domaine de la géologie. Nous avons un partenariat tout récent avec l'école de géologie, c'est là que se déroulent les cours. Et on a également donc un cycle de conférences sur les sciences et les techniques. Alors, en plus des cours, effectivement, nous avons proposons des activités sportives, si vous voulez, de l'aquagym, etc., de la marche nordique. On a aussi un atelier ou découverte de la grande région, donc des excursions autour de Nancy et même parfois assez loin. Qu'est-ce qu'on a encore comme activité Activité artistique. L'artistique, voilà. Et ça va de la musique à la pratique donc d'instruments. Il y a même une chorale, voilà. Et quelle est un peu l'histoire derrière l'UCP ? Est-ce que finalement créer cette association, ça venait d'un constat, d'un besoin que vous avez remarqué ? D'après ce que j'en sais, parce que ça fait maintenant pratiquement 50 ans qu'elle existe, au départ, ça a été fondé par quelques universitaires de la faculté des sciences. Et le président fondateur, qui a été 30 ans à la tête de l'association, était un professeur de la faculté des sciences et il a recruté un petit peu autour de lui. L'idée au fond, c'était de se dire que il y a des gens qui ont des spécialités, mais qui, par ailleurs, ont envie de s'ouvrir à d'autres domaines. J'ai connu dans les cours que j'ai pu faire des scientifiques qui, une fois retraités, avaient envie de faire de la littérature ou de l'histoire. Donc, ça répondait relativement à ce besoin-là. Nous sommes vraiment, depuis la naissance de l'UCP, effectivement, dans la transmission, la diffusion, le partage des connaissances et de la culture. Et effectivement, ce que nous demandons à nos conférenciers, notamment, eh bien, qui sont souvent des gens qui sont spécialistes de leur domaine, eh bien, de pouvoir aborder les connaissances qu'eux, ils maîtrisent par un public aussi large que possible. Et justement, Monsieur Perrin, vous parliez de personnes qui sont retraitées, qui souhaitent en apprendre plus sur un autre domaine que leur domaine d'expertise, oui. Il me semble. Mais j'ai vu que, il me semble qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge limite, d'âge. Non, il n'y a aucune limite d'âge. Hein. Ça, c'est très clair. Il n'y a aucun prérequis, comme on dit maintenant. Il y a des fois, il y a des gens qui ont été un peu troublés ou en tout cas inquiétés par le terme « université ». Il a fallu leur faire comprendre que c'est un terme employé de manière très très large. Alors effectivement, comme les activités ont lieu en journée, notre public est essentiellement un public de seniors, comme on dit, donc de gens qui n'ont plus d'activité professionnelle. Ça n'interdit pas toute personne qui peut avoir une demi-journée de libre dans son activité professionnelle, ou pourquoi pas parmi les étudiants, de pouvoir assister. Alors, pour les cours, ça devient difficile, mais pour les conférences, en fonction des emplois du temps des uns et des autres, c'est tout à fait possible. Mais reconnaissons les choses objectivement, notre public est essentiellement un public de seniors. Au niveau du recrutement, peut-être des professeurs, etc., qui animent les cours, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y en a qui sont bénévoles ? Je pourrais vous dire sur ce point, bon, ouais, bah, je suis devenu président, mais j'ai hérité d'une situation qui évidemment existait avant moi. Pour ce qui est, par exemple, de nouveaux cours, soit c'est nous qui sollicitons sur tel ou tel sujet, on a besoin de quelqu'un et on essaye de chercher qui pourrait répondre à ça, mais il y a aussi des propositions spontanées, parce que notre existence est quand même un peu connue, surtout dans le milieu de ces associations du temps libre ou du troisième âge ou de ce qu'on voudra. Il y a des informations qui circulent et il y a des gens qui font des propositions spontanées de cours et c'est à nous qu'il revient de juger si les propositions sont adéquates à notre public ou pas. Oui, un bon nombre de nos enseignants sont ou ont été enseignants dans l'enseignement secondaire ou supérieur, mais nous avons également des spécialistes de certaines disciplines. Ça peut aller de l'apiculture jusqu'à la médecine, en passant par le droit, etc., sans pour autant qu'ils aient été enseignants auparavant. Donc c'est véritablement un engagement en fait auprès de la culture. Cette association, elle s'engage vraiment à développer la culture et à la rendre accessible au plus grand nombre. Pour vous, par exemple, que représente véritablement l'engagement bénévole ? Quand on est passionné d'une discipline, et qu'on a par ailleurs soi-même derrière soi une carrière d'enseignant, par exemple, ce qui est le cas de tous les deux, l'idée de pouvoir continuer à transmettre, c'est quand même très motivant. Surtout que quand on a enseigné à des adolescents, enseigner à des adultes, c'est une expérience totalement différente, qui peut d'ailleurs être tout à fait enrichissante, parce que les adolescents, eux, n'ont, enfin moi je parle en historien, non pas d'histoire, mais les seniors, eux, ont une histoire, et leur expérience, les souvenirs qu'ils ont de ce qu'ils ont vécu, peut être tout à fait intéressante quand ça vient se greffer sur le propos du professeur. Moi, je suis tout à fait d'accord, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est le bonheur de partager les connaissances qu'on a pu acquérir dans le cadre de notre spécialité, de les partager avec des personnes qui sont très ouvertes, très disponibles intellectuellement. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont des seniors, mais ils ne s'endorment pas pendant les conférences. Comment, vous, personnellement, vous en êtes venu à vous engager, justement, au sein de l'UCP ? Vous savez, il y a parfois le hasard. En réalité, j'ai été attiré, moi, à l'UCP par quelqu'un que je connaissais, qui avait été, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, ma conseillère pédagogique quand j'ai commencé à enseigner, et qui se trouvait professeur dans l'association, et qui voulait arrêter ses fonctions parce qu'elle avait déjà un certain âge, et on lui a demandé de proposer un remplaçant, son remplaçant c'était moi, et donc un jour j'ai été sollicité, et puis voilà, ensuite évidemment, bon, avec les années qui ont passé, j'ai été sollicité pour accepter des responsabilités, mais c'est un peu une histoire comme ça parfois qui relève, j'allais dire, du fait divers, quoi. Moi c'est un petit peu la même chose, j'ai été sollicité d'ailleurs par Dominique, ici présent, lorsque j'ai pris ma retraite, qui m'a demandé si je ne voulais pas donner des conférences. Alors ça a commencé comme ça. Et puis bon, on est dans une association, la participation active des bénévoles est extrêmement importante. Donc j'ai été sollicité pour appartenir au conseil d'administration et puis ensuite au bureau de l'UCP. Et voilà, j'y ai pris de plus en plus de plaisir. Et il est vrai qu'une association marche avant tout. Nous avons 3 salariés à l'UCP, oui. Bien sûr, qui font un énorme travail. Mais sans la présence des bénévoles, rien ne serait possible. Et j'ai oublié de vous demander, mais quelles étaient vos professions enseignant, mais alors histoire. J'enseignais l'histoire, oui, dans un lycée de Nancy. Oui. Et voilà, et moi j'enseignais l'anglais dans les écoles d'ingénieurs de Nancy et puis particulièrement à l'école des mines. D'accord, et donc vous mettez aussi ces compétences à profit. Vous avez donné des cours déjà à l'UCP. Alors en ce qui me concerne, uniquement des conférences. D'accord. Mais je vais vous faire un aveu. J'apprends certainement, et j'espère, un certain nombre de choses aux personnes qui m'écoutent. Mais en préparant mes conférences, j'en apprends aussi beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que faisant des cours sur la France d'histoire très contemporaine, j'ai devant moi parfois des personnes qui ont des souvenirs personnels sur les faits que j'enseigne et qui viennent me raconter leur témoignage personnel. Et ça, c'est tout à fait intéressant et parfois même très émouvant, parce que surtout quand il s'agit de témoignages datant de la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui ont vécu des choses assez terribles. Ils ne racontent pas devant tout le monde, mais ils viennent volontiers me dire ce qu'ils ont vécu. Pour un professeur d'histoire, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais donc au-delà de l'enseignement, c'est aussi une expérience humaine finalement. Absolument, c'est une histoire humaine. Un échange, un partage, pour une anecdote qui va un petit peu dans le sens de celle que racontait Dominique à l'instant. Moi je travaille beaucoup sur la société américaine, ses mythes, ses réalités à partir de films. Et récemment, j'ai fait une conférence sur la communauté religieuse Amish, qui vit essentiellement aux États-Unis, mais qui est venue d'Alsace il y a très longtemps. Eh bien, dans l'assistance, c'était dans une des antennes, c'était à Commercy, je crois, il y avait un monsieur qui appartenait à la communauté Mennonite, donc très proche des Amish, et qui est venu me voir, qui a été très ému, si vous voulez, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Donc, c'est un enrichissement pour tout le monde, si vous voulez, à commencer par le conférencier. question peut-être aussi plus pratique pour nos auditeurs qui découvrent votre association. Si on veut adhérer à l'UCP et participer aux différentes activités proposées, comment ça se passe? Où est-ce qu'on doit s'inscrire? On doit s'inscrire, oui, car il y a une cotisation de base qui est pour l'heure de 70 euros. Il faut aller au siège de l'association qui se trouve 12 place de la Croix de Bourgogne. Et la cotisation donne droit à la présence dans toutes les conférences proposées sur l'année. C'est le système qui a paru le plus adéquat, d'autant plus qu'on a essayé d'expliquer ça notamment à l'Assemblée Générale. La cotisation qui est demandée ne sert pas seulement à couvrir les frais de conférence, mais à faire face aux frais généraux. Ça, vous connaissez ça sûrement. On a 3 salariés à rémunérer et il nous faut bien trouver les ressources financières pour le faire. On peut aussi passer par Internet, il me semble. On peut également s'inscrire en ligne, oui, c'est tout à fait possible. Et j'ajoute d'ailleurs que nos adhérents ont la possibilité jusqu'à Noël d'inviter gratuitement une personne à assister à une de nos conférences. Et pour terminer, peut-être, est-ce qu'il y a des temps forts qui arrivent bientôt à l'UCP? Peut-être des conférences plus marquantes ou des cours, je ne sais pas, d'ici la fin de l'année? Il y a une conférence au mois d'octobre sur Konrad Adenauer, le résultat d'un échange avec une organisation de la SAR avec laquelle nous sommes en relation. Leur idée, c'était de fêter ou de commémorer le 60e anniversaire du traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne, événement qui aujourd'hui n'a pratiquement laissé aucun souvenir. Mais c'était une initiative de leur part. Donc, on a imaginé des conférences croisées. Moi, je suis allé à Sarrebruck faire une conférence sur Charles de Gaulle. Et nous allons avoir, au mois d'octobre, une conférence sur chancelier Konrad Adenauer. L'autre perspective à venir, c'est l'année prochaine, la manière d'organiser le 50e anniversaire de l'association. Alors, pour l'instant, on est encore au niveau de la réflexion. Il n'y a rien d'arrêté, mais le principe, lui, est arrêté. Après ça, les modalités sont encore floues. On n'oublie pas, on peut toujours s'inscrire, les inscriptions ne sont pas terminées. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, monsieur Dominique Perrin, président de l'UCP Nancy, et monsieur Claude Le Floic, vice-président de l'UCP, pour votre participation aujourd'hui. Donc, vous pouvez retrouver l'UCP 12 places de la Croix de Bourgogne à Nancy, du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h, oui, si je ne me trompe pas pour les horaires. Et vous pouvez contacter bien sûr l'UCP par téléphone au 03 83 40 68 92. Merci à vous et bonne journée. Merci. Merci. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.